convosco, a partir deste momento, está a vossa amiga Cristina. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Eu, por mais que eu tente entender a falta que fazes aqui, nunca vou conseguir e nas promessas que eu faço para te lembrar é quando eu consigo sonhar com tudo que foste para mim. E é nos meus dias maus, quando já não sei quem sou, tento gritar ao céu para que me possas ouvir. E é nos meus dias bons que gostava de te falar, para veres onde eu estou, onde eu consegui chegar. É verdade. É verdade que morro de saudade, mas morria de saudade simplesmente a começar a hora. Mas é assim, é vida. Cá estou, sim senhor. A horinhas, mas é assim, de vez em quando é que aparecem assim estas coisinhas que não devem aparecer, mas é assim, é vida. Tudo bem desse lado, está mesmo. Aqui estamos então na boa música portuguesa, na vossa companhia. E Cristina, para então alegrar e passar a vossa música, a nossa música portuguesa. Fiquem bem atentos. Hoje um programa um bocadinho especial. Vamos ter então uma convidada especial. Vai ser falada em francês. Elisa Torres, hipnotiseuse sophrologue. Também convém, não é? Um bocadinho de zen attitude. Tudo bem para vocês? Então vamos então iniciar este programa, um bocadinho com atraso, mas com a boa música. Tudo bom para vocês? E então estávamos com Fernando Daniel na Lodia da Saudade e de seguida com Nininho Vaz e Cristiano Maia com Gosto de Ti. Morro de saudade de ter aqui. É verdade. Estás aí.

beijo. Contas, as palavras tontas que disseram. Passa a mão no rosto sem perceber. Pede mais um copo para esquecer. E torna tudo isto um pouco menos difícil de aguentar. Sorriu para mim sem me conhecer. Pergunto-lhe se nos voltamos a ver. Um dia noutro sítio, se eu me lembrar disto amanhã. Às vezes só queria desaparecer. Perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Às vezes só queria desaparecer. Perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Passas-me na mente e eu volto de repente àquele nosso sítio que eu não consigo deixar. Não sei se é de mim ou não queres saber. Pergunto-me se nos voltamos a ver. Porque nada é impossível quando ainda é possível acreditar. Ei, às vezes só queria desaparecer. Perder-me nos teus braços até morrer. Se foi o paraíso, não quero outro sítio para voltar. Às vezes só queria desaparecer. Perder-me nos teus braços até morrer. Se foi o paraíso, não quero outro sítio para voltar. Deixes agora, não agora, porque eu já mal consigo distinguir onde é o paraíso sem ti. Às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso. Às vezes só queria desaparecer. Perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Ei, se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Oh, se foi o paraíso, não quero outro sítio para voltar. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Vous pouvez appeler Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem gosta de carinho se tiver outro sabor. E que tal? Está tudo bem desse lado? Está mesmo eu que se quer. Pensei, já é férias, talvez, para alguns de vocês. Também preparação de ida, de vinda e tudo isso. Mas gostaria, então, de desejar umas excelentes férias a todos aqueles que estão de partida, aqueles que estão já de férias. Também umas boas férias, uma boa viagem. Há que ter cautela, há que ir voltar. Claro que sim, nada de pressas, devagarinho se vai ao longe. E tenham tempo de lá chegar. Mas vá devagar e bem, não é, gente? Então, umas boas férias, uma boa viagem para quem está na preparação ou na ida também, e para aqueles que passam aqui nas estradas que os levam às vossas férias, não é somente a Portugal, mas todos aqueles cantinhos e que estão aqui de passagem, uma boa visita a Orleans. Dizem que Orleans já há pouco que visitar, eu digo que há muito, sinceramente, sim, sim. Isso basta só ter a ser curioso e dar interesse a certas aldeias, até a certas cidades, e tudo é muito bonito. Música, é por isso que estamos aqui. Daqui um bocadinho então, nosso convidado, a nossa convidada de hoje, estará logo presente aqui nos estúdios da rádio. Quatro menos, mulher gosta de carinho. Quem não gosta, sinceramente, quem não gosta? E claro que sim, música da boa, isso que nós gostamos. E de seguida vamos ficar então na voz de Rui Veloso, Jura, música. Com ternura vale a pena. Podemos ficar com José Cid de Madrugada na Praia Deserta. Talvez o momento das vossas férias será este? Madrugada na Praia Deserta. Abri a porta pro vento. cantada. Sempre que se ouve um gemido, gente da minha terra, claro que valia a pena, sim senhora. Vários artistas cantaram um fado em público, ó gente da minha terra. Muito obrigada, sinceramente, valia. Música, ou não, escutem bem, claro.

pavilhão de Portugal, já se dança em qualquer festa. É chulé primavera, por isso dançam certinho. A nós já ninguém nos tira esta beleza do rio. Meninas do nosso vinho, venham para a roda dançar. Vem a branca no soquinho, ninguém sai do seu lugar. A chula bate certinho, no malhão bate-se o pé. Estas meninas do Minho, todas sabem como é. Estas meninas do Minho, todas sabem como é. Meninas do nosso Minho, venham para a roda dançar. Meia branca no soquinho, ninguém sai do seu lugar. A chula bate certinho, no malhão bate-se o pé. Essas meninas do Minho, todas sabem como é. Essas meninas do Minho, todas sabem como é. Eu vou por aqui abaixo, por aqui abaixo eu vou. Para a cidade de Faf, é dessa terra que eu sou. É dessa terra que eu sou. Ai, é belo o meu cantinho. É a cidade mais bonita que temos em todo o Minho. Então de ouvir a de Faf com Carlos Pires, de seguida vamos ficar com os sons do Minho Era Uma Vez, pedido de um ouvinte que está a caminho de um novo futuro e que seja por muitos anos e para muita alegria e felicidade. Música! Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá em baixo está o tiro-liro-ló. Vou então agora contar-vos a história de um casal de moços novos que combinaram ir para a farra e à hora marcada juntaram-se os dois à esquina, tocaram a concertina, dançar o sol e dó. Juntaram-se os dois à esquina, tocaram a concertina, dançar o sol e dó. Eis que o Zé chega perto da sua rosa e lhe diz: ó rosa redonda saia, ó rosa redonda vai. Olha a roda que ela tem, olha a roda que ela tem, olha a roda que ela tinha. Ó rosa redonda saia, que fique bem redondinha. Olha a roda que ela tem. Depois de bem apraltados, eis que o Zé dá o braço à sua rosa e seguem os dois bem juntinhos, pois eram esperados no baile da Dona Esté. Feito a semana passada, foram dar com o chofé a dançar com a criada. Dizia ela baixinho, na piso é justial. Eram para aí ser em pico, oito coisa normal. Eram para aí ser em pico. O Zé bem queria que a sua rosa ficasse, mas na verdade era meia-noite, cantava o coquinho. Era meia-noite, o coquinho cantava. Era meia-noite, cantava o coquinho. Cucu, cucu, no alto. Era meia-noite. Mas o Zé era sabido e depois de deixar a sua rosa por casa, voltou para o baile e deu de caras com a sua antiga paixão, a Carolina, que lhe pergunta se ainda se lembra daquela saia que ele tanto gostava, e o Zé responde: sim, Carolina, oh, e oh, ai, sim, Carolina, oh, ai, meu bem, sim, Carolina, oh, e oh, ai, sim, Carolina, oh, ai, meu bem, sim, Carolina, oh, e oh, ai, sim. No entanto, a saia que a Carolina trazia não era aquela em que o Zé tanto gostava. Essa já era a minha saia velhinha, toda a rotina de andar a bailar. Agora tenho uma nova feita moda para estrear. Depois de desfeito este mistério da saia da Carolina, eis que o Zé vê ao fundo do bailarico uma moça a chorar. Era a mulher desse Sebastião, come tudo, tudo, tudo. Sebastião come tudo sem colher. Sebastião fica todo barrigudo e no fim dá pancada na mulher. Sebastião come tudo, tudo, tudo. Eis que o Zé, ao vê-la tão triste e tão solitária, a puxa para o bailarico, dá-lhe um abraço e diz: deixa passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar o bailinho da Madeira. De outros tempos, e entre mais um pezinho de dança, é aí que a mulher do Sebastião pergunta ao Zé se já trabalha. O trabalho é pro burro, eu não quero trabalhar. A noite é para dormir e o dia para descansar. Olha a chivinha, me, me, me. Olha a chivinha que não sabe. Inconformado com a sorte do Zé, passava a noite nos braços das moças novas. Eis que o vocalista que animava o baile diz: já eu casei com uma velha da Ponta do Sol. Deitei-a na cama e o raio da velha rasgou o lençol. Tornei-a a deitar, tornou-a a rasgar. Casei com uma velha da Ponta do Sol. Deitei-a na cama e o raio da velha rasgou-me o lençol. Tornei-a a deitar, tornou-me a rasgar. Perdi a cabeça, tirei com a velha de pernas para o ar. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Sabe Vamos ficar com uma lindíssima música, os Santa Maria, o Infinito, música pedida da parte de Soraya para o seu pai. Ficamos já com esta música. La FM en couleur.

transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous la vie et réservez chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional, pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Calinette Nettoyage, 117 route nationale 45140 Ingrée, 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. E como vos dizia há bocadinho, temos hoje convidado excepcional, que hoje vamos falar de hipnose. Comme je disais en portugais, aujourd'hui nous avons notre invité du jour qui va nous parler hypnose. Aujourd'hui, Elisa Torres sera notre invitée et on aura à découvrir ce métier. Bon, on va éviter de s'endormir, c'est juste ça. Bonjour Elisa. Comment ça va bien ? Ça va plutôt pas mal. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, je suis en pleine tournée d'hypnose. Vous endormez pas tout le monde autour de vous tout de même. Alors pas tout le monde, mais une partie. L'hypnose, c'est quoi finalement ? Qu'est-ce que l'hypnose ? Alors l'hypnose, déjà on va dissocier un petit peu l'hypnose thérapeutique et l'hypnose de spectacle, même si les deux sont une forme de transe, on va dire. En hypnose thérapeutique, nous avons l'ensemble de la population qui est réceptif. En hypnose de spectacle, il y a 15-20% des personnes qui sont réceptives. Donc c'est un état de transe en fait, un état pendant lequel on va avoir accès à un réservoir de ressources et on va pouvoir dépasser ça, aller jusqu'à avoir des hallucinations, voir c'est un état modifié de conscience. Voilà, c'est l'inconscient qui va guider nos faits et gestes. Ce qui veut dire que tout le monde ne peut pas être réceptif à cet état d'esprit, à cet état de corps. On va dire, c'est mental, c'est physique, c'est alors, oui, tout le monde peut être réceptif. Voilà, tout le monde peut être réceptif. C'est vrai qu'on a plus facilement accès à cette réceptivité en thérapeutique. En spectacle, il faut que ce soit très rapide. Donc, on va prendre les plus réceptifs, les gens qui vont rentrer en quelques secondes dans un état de transe. Sinon, ce serait beaucoup trop long. Les spectacles dureraient des heures. On commence à endormir certains, les autres se réveillent déjà, c'est ça ? Exactement. Très bien, mais c'est vrai qu'on reste sur l'hypnose, souvent c'est l'endormissement, c'est cet état un petit peu euphorique ou même d'endormissement, mais il y a certainement autre chose, on ne reste pas que sur cet état d'endormissement tout de même. D'autant plus qu'on ne dort pas sous hypnose. En fait, on utilise le mot dormir parce que c'est même nous on l'utilise hein, sur les spectacles, parce que c'est un état proche du sommeil, c'est un état pendant lequel on est très très bien, on se sent très bien. Et c'est une sorte de sommeil hypnotique. Moi, j'appelle ça un sommeil hypnotique. On entend tout ce que l'hypnotiseur dit, ce qui prouve bien qu'on ne dort pas, sinon on ne suivrait pas les suggestions. Mais on est dans un état vraiment très, très détendu. Très détendu. Souvent, les personnes se sentent bien sous hypnose. J'essaye sincèrement. Bien sûr. Je me suis toujours dit, j'ai peur et je. Voilà quoi, je ne sais pas ce qui se passe dans l'autre côté et j'ai peur de ne pas revenir. Alors, jusqu'ici, tout le monde est revenu. Je ne connais personne qui est resté sous hypnose. C'est un petit peu, moi je compare. Quoique des fois, dormir longtemps. après certains moments de notre vie, se dire « Oh là là, que je m'avais endormir longtemps ». Oui, bien sûr, mais il paraît qu'un état d'hypnose, je ne sais pas, d'une heure, serait l'équivalent de plusieurs heures de sommeil. Oh. Voilà. C'est ça. Donc oui, effectivement, je vous ai coupé la parole. Alors, qu'est-ce que je disais? Justement, quand on parlait d'endormir les personnes pour longtemps, ou est-ce que c'est... Ah oui, l'état d'hypnose. Par exemple, il y a différentes situations où on est déjà sous hypnose sans vraiment s'en rendre compte. Quand on regarde la télé, par exemple, parfois on peut avoir un comportement comme pleurer devant un film qui est un petit peu sensible ou sursauter, etc. Donc on est un peu dans cet état d'hypnose finalement. Pourquoi ? Parce que le conscient a beau savoir que ce sont des acteurs dans un studio et que tout le monde va bien, etc. On se laisse émerger en fait dans l'ambiance et on se laisse prendre par une émotion. Ça, c'est un état d'hypnose. Voilà. On a sa voix. Et oui, lorsqu'on conduit aussi et qu'on est arrivé à un endroit, on se dit, tiens, je suis déjà arrivé, je me suis même pas rendu compte de la route. Ça aussi, c'est un état d'hypnose. Pourtant, c'est on n'a pas fait n'importe quoi. Et ce côté, justement, on va sortir du côté événementiel, côté spectacle, et le métier en lui-même. Donc, on parle hypnose, sophrologie. Qu'est-ce que la sophrologie, finalement? Alors, la sophrologie, c'est un petit peu différent de l'hypnose, mais ça reste quand même une technique de bien-être, hein, puisque moi, je suis hypnothérapeute et sophrologue. J'utilise beaucoup la sophrologie en groupe, plus qu'en individuel. La sophrologie va vous apprendre à être dans un mieux-être, mais d'abord par la respiration. Voilà, il y a des gestes, des respirations, donc c'est vraiment le corps et c'est plus de la pleine conscience. Alors que l'hypnose, on va vraiment travailler avec un état inconscient. Je dirais que c'est vraiment la grosse différence entre les deux. Il y a aussi un phénomène en hypnose qui est beaucoup plus rapide qu'en sophrologie. La sophrologie, on va travailler sur plusieurs semaines, plusieurs mois, pour vraiment acquérir cet état et se l'approprier, alors que l'hypnose, on va plutôt laisser le praticien nous guider vers un état très rapidement. Aujourd'hui, peut-on dire que... oui, voilà, oui, je suis consciente que le côté médical est important, mais peut-on dire qu'aujourd'hui, l'hypnose et la sophrologie peut aider, peut guérir, peut aller dans le sens de la guérison de certaines maladies? Alors en fait, on va travailler sur tout ce qui est mental, sur tout ce qui est psychique, sur tout ce qui est somatique, sur tout ce qui est émotionnel, donc sur la gestion de la douleur. Si quelqu'un qui a une maladie va être encore plus malade, si la personne ressent la douleur et est dans un état de stress, évidemment, on peut dire que ça peut aider à la guérison. Après, ce n'est pas une méthode de guérison. Ça peut amener à la guérison associé à d'autres méthodes, voilà, qui sont plus médicales, hein, puisque ça ne remplace pas un médecin, mais ça peut vraiment avoir des résultats. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui sont allergiques et qui, avec des séances d'hypnose, arrivent à se débarrasser de l'allergie. L'allergie, le tabac ? Le tabac, l'allergie, le tabac, le sommeil, les troubles alimentaires, les addictions. Voilà, il y a plein de, finalement, plein de problématiques qui sont dues à une mauvaise gestion de soi-même. Et grâce à l'hypnose, en fait, on va aller puiser dans les capacités de la personne. Et retravailler peut-être parfois sur certains traumas, sur des déclencheurs. Peut-être méconnu auparavant ? Peut-être méconnu, peut-être connu mais pas réglé. Souvent, c'est vrai qu'en état d'hypnose, on peut se trouver dans des situations qu'on ne connaissait pas finalement. On se découvre finalement. On se découvre, on se découvre et on découvre nos potentiels surtout. J'ai un petit message. Oui. Je suis très intéressée. J'ai toujours eu peur. Et c'est le côté financier aussi que parfois peut être un frein. Est-ce qu'aujourd'hui, la Sécurité sociale a enfin accordé et reconnu ce métier? Alors, la Sécurité sociale, on y vient. En tout cas, il y a des mutuelles qui prennent en charge. Donc moi, je propose toujours d'aller voir au niveau de sa mutuelle s'il y a des séances de sophrologie ou d'hypnose qui sont prises en charge, parce que ça permet quand même d'accéder. Après, bon, voilà, une séance, c'est quand même abordable quand ça peut sauver un état de mieux-être au voilà, quotidien. C'est ce que la personne nous nommera, grand message, mais un grand merci pour ce passage à la radio. Effectivement, c'est intéressant de savoir qu'on puisse nous aider lorsqu'on est malade. Le côté finance est souvent médiocre, et si en plus on peut se faire aider, mais malheureusement souvent coûteux. Et oui, alors franchement c'est abordable, Je vais vous dire pourquoi, parce que c'est de la thérapie brève. Voilà. Donc en général, je vois les personnes une fois, deux fois, trois fois. Après, les personnes qui ont vraiment besoin d'un suivi, ça peut être plus. Mais ce n'est pas obligatoirement, voilà, ce n'est pas une thérapie pendant 2 ans, par exemple. Oui. Donc, c'est pas un suivi à long terme. Ce n'est pas un suivi à long terme. Je ne sais pas si à la radio, je peux donner le coût d'une... Vous pouvez. Voilà, c'est 60 euros la consultation. Parfois, il y a des personnes, bah, pour 60 euros, qui se débarrassent de quelque chose qui traîne depuis très, très, très longtemps. Tout à fait. Mm. Voilà, la réponse est donnée à notre petit message. Merci beaucoup pour interagir à notre interview d'aujourd'hui. Maintenant, on va revenir un petit peu côté événementiel, côté spectacle. Je pense que c'est un petit peu plus, on va dire, l'euphorie. C'est un petit peu le, comment dire, c'est ce passage, comment dire, pouvoir mettre à l'œuvre son métier sur une scène, ça va être aussi intéressant. Ah oui, c'est très intéressant. Là, on est vraiment dans le ludique. Moi, toute l'année, en fait, j'ai mon cabinet de thérapie. Et l'été, je bloque mon cabinet pour aller faire ma tournée pendant 2 mois parce que il y a vraiment de la bonne humeur. On donne le sourire aux gens dans la bienveillance. Hein. Je fais pas faire la poule, par exemple. On me demande souvent. Je fais pas faire la poule. Je raconte une histoire. Et, ça c'est souvent. Ah, j'aimerais bien voir mon responsable, mon chef, faire la poule devant moi. Je crois que c'est le souhait de beaucoup de tout. Les gens ont très envie que leurs voisins fassent la poule, mais ils n'ont pas envie de la faire eux-mêmes. C'est ça. Non, je ne fais faire aux gens que des choses que moi-même j'aimerais faire. Et c'est sympa, c'est un super moment. Hein. Voilà, c'est estival. Les gens ont envie de s'amuser, tout simplement. Justement, ça serait, comment dire, c'est un accomplissement, c'est quelque chose qu'on se dit toute l'année, je travaille et je monte sur scène pour pouvoir le vivre autrement. Oui, c'est aussi parce que moi, j'aime beaucoup changer, j'aime avoir des projets, des objectifs et ça fait du bien, voilà, on voyage un petit peu, je suis souvent sur la côte atlantique et on donne du plaisir, c'est une autre ambiance, voilà, ça permet de dynamiser la vie et de voir les choses autrement. Je ne pensais pas du tout, il y a quelques années, que je ferais du spectacle et puis bah, une fois qu'on met le pied sur la scène on se rend compte que c'est quand même très sympa. On s'y prête on joue un jeu, on rentre dans un rôle en fait. Et le public s'y prête aussi parce qu'effectivement oui. En vacances on se lâche, on va dire. Complètement. Et en hypnose je pense qu'on est plus réceptif en vacances. Alors est-ce qu'on est plus réceptif en vacances? Peut-être tout simplement qu'on lâche les freins en fait, hein, voilà, on y va. Et moi j'aime beaucoup le public me le rend bien en fait, hein, souvent c'est d'ailleurs c'est eux qui font le spectacle, hein, c'est les gens qui sont réceptifs, mais c'est aussi les encouragements, c'est aussi tout ce qui se passe autour, l'ambiance, c'est souvent très très très sympa quoi. Un bon moment de rigolade. Oui, un bon moment de rigolade. Et deux, enfin tout, malgré que le thème soit le même pendant tout l'été, ce n'est jamais le même spectacle, donc ce n'est pas ennuyeux. Le public différent. Le public différent, les gens sur scène différents, donc on a toujours des surprises, c'est très très rigolo. Des bonnes blagues à raconter plus tard. Je pense, oui. Mais mes enfants, on arrive à la maison. Oui, aussi. Très bien, Elisa. Un très bon moment aussi passé entre nous et c'était très, très agréable de pouvoir échanger sur ce métier qu'aujourd'hui a pris un boom, on va dire, parce oui. que je pense que le côté télévisé, côté médiatique, on a fait découvrir un petit peu plus ce métier. Oui, pensez complètement. C'est devenu à la mode, c'est devenu quelque chose de on va dire, tout le monde va essayer. Oui, alors c'est vrai que c'est un petit peu à la mode. Après, je recentre un petit peu quand même parce que malgré que ce soit une mode, c'est aussi un outil qui est puissant. Donc, il faut que ce soit entre de bonnes mains, j'ai envie de dire. il faut pas faire n'importe quoi. Voilà, tout le monde peut faire de l'hypnose. Maintenant, j'encourage vraiment les personnes à se former, tout simplement, dans un centre de formation sérieux, afin de pouvoir gérer cet outil. Mais t'es par un téléphone, j'ai bien dire à la personne qu'on est en interview, mais elle ne m'a toujours pas compris. Ah, vous voulez que je l'hypnotise? On va attendre un petit peu. Ça a marché. Eh oui, ben voilà, ben c'est le direct. Elisa, si comment aujourd'hui un spectacle peut être prévu à l'avance, effectivement, si nous, Radio Arc-en-Ciel, on souhaite un spectacle d'hypnose, il faut rentrer en contact avec Elisa ou quelque autre auditeur qui est là autour de nous et comment vous retrouver? Alors moi, c'est assez simple, il suffit de taper Elisa Torres Hypnose sur Google. Après, sur les réseaux sociaux, Elisa Torres l'hypnotiseuse ou Elisa Torres Hypnose et Sophrologie. Voilà, je pense qu'il n'y en a qu'une, Elisa Torres, qui fait de l'hypnose, en tout cas de ce que j'ai vu. J'avoue, sincèrement, ça a été facile de vous retrouver. Voilà. J'y suis passée par là, effectivement. C'est facile à trouver, donc n'hésitez pas. C'était bien agréable de pouvoir découvrir un petit peu ce métier, de pouvoir... on considère aujourd'hui comme un métier... Ah oui, c'est un métier. À part entière. C'est un métier à part entière, oui. Moi, je ne vis que de ça, de toute façon. Pratiquement, parce qu'après bon, j'ai des petits à côté, mais c'est plus par plaisir, mais c'est un métier à part entière et c'est un très beau métier. Très bien. Aujourd'hui, peut-on il y a une école aussi sur Orléans, c'est bien ça, oui. qui vous forme. Oui. Et peut-on envisager d'envoyer des jeunes sur cette voie, au moins jeunes, on va dire. Bien sûr. Car c'est un métier qui est assez sérieux tout de même, qui reste dans parce qu'on touche le médical, on touche l'âme sensible de la personne, parce que si aujourd'hui on va voir un hypnotiseur ou un sophrologue, c'est que quelque chose ne va pas bien dans notre vie, on va dire, et on peut considérer que ce métier est un métier tout de même censé rester quand même dans le sérieux de ce métier, n'est-ce pas? Oui, c'est un métier sérieux. Après, moi, je suis formatrice en hypnose dans le centre de formation qui m'a formée d'ailleurs, qui s'appelle Ecologos à Orléans. Je me suis formée également à Paris. En fait, avant de me professionnaliser, j'ai vraiment voulu me former beaucoup, m'entraîner, lire, me documenter. C'est un métier sérieux. Évidemment, vous pouvez trouver une formation d'une semaine et ouvrir votre cabinet. Je suis pas sûre que ça tienne. Et il faut quand même avoir des bases. Il faut avoir des bases solides. Ça reste de la thérapie. Après, si c'est pour le spectacle, c'est un petit peu différent, mais il y a même des règles de bienveillance en spectacle. Il faut vraiment éviter de se lancer n'importe où, n'importe comment, parce que c'est un métier qui est important, en fait, hein, puisqu'on a... Nous, ce qu'on apprend dans le centre de formation, c'est quand on a une personne hypnotisée, c'est un peu comme si on tenait un bébé dans les bras. Voilà, il ne faut pas le lâcher, il faut faire attention. C'est important. C'est important. En tout cas, merci beaucoup, Elisa. Merci. Donc, vous pouvez donc retrouver Elisa Torres sur toutes les plateformes. Elle sera. Exactement. Merci. Merci beaucoup. Un bel été, un bon spectacle. Et oui, encore d'autres spectacles à venir. Tout à fait. Public aussi? Alors, c'est souvent de gros campings. Parfois, certains campings laissent passer du monde et d'autres pas. Donc, faut voir avec eux. Avec la période Covid, forcément, ça a resserré un petit peu les maillons. Malheureusement. Oui. Mais bon, on va essayer. On va faire en sorte qu'Elisa nous retrouve aussi sur Orléans. Eh ben, avec grand plaisir. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Et on reste en musique, bien sûr, et retrouver nos auditeurs. C'était fort agréable. Merci beaucoup. Une invitée que j'avais pas encore eue et que j'aime. J'apprécie énormément échanger avec nos invités, découvrir d'autres de nouvelles aventures. Muito obrigada a vocês, ouvintes, como estavam a ver hoje, convidado diferente dos que temos encontrado até agora e onde encontramos hoje a hipnose, também importante nas nossas vidas, nas vossas talvez. Então, a pessoa que estava a tentar chamar, pode voltar a chamar novamente, porque estávamos em entrevista e não podia responder. Música, até já. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Quero dançar contigo, porque a magia do amor está no ar. Vamos ficar com uma dedicatória, sim senhora, que vem da parte de um casal para os três casais que festejam os 30 anos de casados este fim de semana. Muitas felicidades e que sejam sempre felizes. Adorámo-vos imenso. E ficamos na voz de Nininho Vaz, a noiva. Muito obrigada. Ficamos então com esta lindíssima música. Não queria pensar em ti, mas eu penso. Por cada dia o meu coração sofre por dentro, porque o meu coração já não aguenta mais, porque eu sem ti já não posso viver. Posso viver, mas olho, quero ver a minha noiva. Mas olho, quero ver a minha noiva. Comigo ela se vai casar. posso viver. Onde salvar